contre vent et marée. Faustine attendra longtemps la réponse à ses questions. Le pourquoi des disparitions récurrentes de maman, celui de ses journées cloîtrées dans sa chambre officiellement malade. Tout cela en lien sans doute avec les bouteilles de scotch qu'on l'envoie acheter. Au fait, que sirote maman à longueur de journée dans les grands verres à eau en arcopale marron? Quelque chose qui lui donne une haleine framboisée. Les prémices remontent sans doute au temps de l'aventure bruxelloise, lorsque ses parents jouissent enfin d'un niveau de vie supérieur. L'apéro du soir après le boulot devient vite une douce habitude, de même que le verre de vin, parfois millésimé, accompagnant le repas. Lune de miel avec l'alcool? Dorénavant, plus rien ne se fait sans. Dans la joie, la tristesse, la fraîcheur ou la canicule. En ce temps-là, on n'en parlait pas encore comme d'une maladie ou un problème de société. Faustine se souviendra que maman, à 36 ans, après une opération très lourde, s'est vue signifier qu'elle n'aurait plus jamais d'enfant. Or, à ce moment-là, justement, elle en mourait d'envie au point d'avoir auto-généré un fibrome. Est-ce à la suite de cette épreuve qu'elle s'est mise à noyer ses soucis? Toujours est-il que, désormais installée à Grasse, elle fait la connaissance d'un médecin compatissant, mais éventuellement compétent, qui prend ses problèmes au sérieux. Officiellement, il ne s'agit que de surpoids, de fatigue et de tabagisme. Il tente de l'aider, tenant compte de sa pudeur quasi pathologique. Et là, ce faisant, il néglige, outre une aptitude au déni assez remarquable, un orgueil ubuesque qui empêche sa patiente d'avancer. La récente mise en situation de promiscuité dans une institution hébergeant d'autres semblables cause une sorte d'effet miroir insupportable que maman parvient à fuir avec l'habituelle complicité de papa après une semaine entière à pleurer jour et nuit. Afin de permettre à son épouse de reprendre pied, papa décide de l'emmener quelques jours au vert, confiant la boutique à Faustine. Il reste à la jeune femme 2 mois à tenir avant d'être définitivement libéré. Est-ce d'avoir vécu ce premier week-end idyllique qui rend l'attente solitaire insoutenable? Maxime a beau s'évertuer à écrire 3 ou 4 lettres par semaine, Faustine manifeste amèrement son impatience. À quelques mètres du poteau d'arrivée de leur retrouvaille définitive, elle peine à se dominer. Pauvre Maxime, qui s'épuise à parcourir les 1000 kilomètres qui le séparent de Grasse, avec pour seule récompense à l'arrivée une Faustine acariâtre. Les frustrations accumulées ressortent en bloc, au point de rendre la jeune femme injuste. Sans aucune compassion pour Maxime. Le pauvre homme doit faire face sur tous les fronts. S'investir dans son nouveau job tout en subissant le harcèlement permanent de sa famille. Il se sent cerné de tous côtés. Aucun chantage affectif ne lui étant épargné. Un jour, saturé de cette soupe à la grimace, il menace carrément de retourner immédiatement d'où il vient. Mouché, Faustine se calme enfin. Ce 12 mai 1978, les deux amants réconciliés roulent vers Saint-Dalmas-de-Tende, près de la frontière italienne et la vieille auberge Massa de Casterino. Ici, la neige persiste. La saison n'a pas encore commencé. Si les propriétaires n'ont pas ouvert leur gîte officiellement, l'accueil n'en est pas moins chaleureux. Idéal pour des amoureux qui privilégient l'anonymat. Sans pour autant les prendre à leur table, les patrons partagent volontiers leur lapin à la moutarde, accompagné de pâtes fraîches. Pendant la soirée, Faustine, tout en savourant sa grappa, forme Maxime au yas, sorte de belote suisse. Le seul jeu de cartes qu'elle connaît. Profitant de son avantage d'initiatrice, elle ne craint pas d'en modifier les règles à son profit. Maxime s'insurge. « Je ne sais pas ce qui se passe, elle a une chance de co... Elle gagne tout le temps, la chipie. » Faustine rétorque en riant. « Voilà bien la preuve que tu n'as pas été sage ces dernières semaines. » Il est tard quand les amoureux se retirent pour la nuit dans leur chambrette lambrissée de sapin clair. Quel bonheur que de s'étreindre sur un édredon aussi moelleux. Ce soir, nul besoin de radiateur. Le hameau de Port-Grimaud est une véritable réussite architecturale, rare sur la côte, pour une fois que les promoteurs n'ont pas tout bousillé. Faustine est en admiration devant les maisonnettes fleuries, les canots, les bateaux amarrés, un peu partout. Elle attend Maxime assis sur son sac marin trouvé au surplus américain de Nice. Il contient le minimum indispensable selon les directives très strictes de l'école de voile Prélude. La jeune coquette y a tout de même glissé sa jolie robe longue en jersey, on ne sait jamais. À Grasse, elle a emballé ses affaires personnelles dans deux grosses valises qui l'attendent sagement derrière la porte. Elle les récupérera lorsqu'ils remonteront à Paris avec Maxime après les vacances. Papa et maman ont filé en Suisse avec Stéphane. Maxime arrive tout droit de Paris. Il ne faut pas que Faustine oublie qu'ici, et pour tout le monde, il s'appelle François Maréchal. À présent qu'il a recruté un avocat, lancé les démarches, il se veut irréprochable. On lui a expliqué que même séparé, il doit fidélité à sa femme tant que le divorce n'est pas prononcé. L'anonymat s'impose donc. 5 cigarettes plus tard, Faustine commence à s'inquiéter sérieusement quand enfin se détache au loin la silhouette aimée au swing inimitable. Faisant mine d'emboucher un saxo, elle gonfle les joues sur les premières mesures de « The Man I Love » avant de se précipiter dans ses bras. Il la lâche chez son bagage pour l'enlacer. « Bienvenue à toi, femme de ma vie. Cette fois, c'est pour de bon. Nous ne nous quitterons plus. » Ensemble, rayonnant, ils se dirigent au-devant des autres vers les locaux de l'école. Le bateau qu'on leur alloue est un arpège. C'est un très beau voilier de 9,25 m construit par le chantier Dufour. Leur skipper se prénomme Jacques. Véritable publicité pour son école, il est grand et musclé, arborant un air sérieux qui inspire confiance. Leurs 3 autres compagnons, Maurice, Robert et Daniel, tous de profession libérale, tous apprentis marins, ont des bouilles bien sympathiques. Faustine, avec son allure de bonne copine, son maquillage ni fanfreluche, est aussitôt adoptée, de même que Maxime François. Jacques occupe l'une des 2 couchettes-cercueil à l'arrière, inconfortable mais plus proche de la barre. Maurice, le plus fluet de tous, choisit l'autre. Faustine, Maxime, Robert et Daniel s'installent dans le carré au centre du navire. Quand on a replié la table, relevé les banquettes, il y a là 4 couchettes qui, particularité rarissime paraît-il, permettent de dormir à la gîte, même si l'esquif penche. Faustine aurait bien aimé s'installer à l'avant avec son homme, là où il y a un bordel pas possible, les voiles, mais on lui signale qu'elle n'est pas au Club Med ici. Finalement, si toutes leurs affaires rangées dans les espaces prévus, elle trouve assez sécurisante cette idée de dormir dans le ventre du navire. Pour le reste, les toilettes sont à l'avant et la géniale kitchenette à l'arrière, près de la table à cartes. Très imbu de ses responsabilités et sérieux comme un pape, Jacques leur montre longuement comment se servir des toilettes. Il faut pomper, pomper, encore comme des shaddocks. Se soulager, puis remettre ça à la pompe. Faustine, qui ne supporte pas l'idée de faire ses besoins aux oreilles de tout le monde, se promet bien de s'en passer. Elle attendra d'être à terre. Les garçons, eux, sont vivement invités à l'enskiner, en liquide uniquement, depuis le pont chaque fois que possible. « Mais attention, pas face au vent !» précise le skipper, provoquant un éclat de rire général. Le tour du propriétaire achevé, on ouvre une bouteille de listel gris bien frais et on installe le carré pour déjeuner. Jacques, le skipper, pendant que tous dévorent le gratin de pâtes puis la tarte tatin par lui concoctée, s'enquiert des attentes de ses élèves. Maxime François, le seul à avoir passé les 2 mois précédents à étudier les rudiments de la navigation à voile, quand diable a-t-il trouvé le temps, aimerait approfondir entre autres le maniement du sextant. Robert, Daniel et Maurice s'intéressent, qui à la navigation nocturne, utiliser la position des étoiles, qui à l'étude des vents, qui à la maîtrise de la radio. Quant à Faustine, peu soucieuse de mathématiques ou de techniques, elle se satisfera d'une place de moussaillon. Reconnaître bâbord de tribord éviter de se prendre la baume pleine poire, tirer des bords, hisser le foc, faire des nœuds, barrer, participer au quart, piger si un navire s'approche ou s'éloigne, suivant que sa loupiote soit rouge ou verte, lui suffira amplement. Jacques explique que pendant cette première semaine, ils longeront la côte et décideront chaque soir d'un lieu d'ancrage, de Port Grimaud à Cassis, en passant par la Ciotat, la Calanque de Loul, la Presqu'île de Géant, Porquerolles, l'île du Levant et retour. La semaine suivante, le parcours sera sensiblement différent. On voguera de Grimaud à Nice, ensuite cap sur la Corse. Jacques leur donne enfin un topo détaillé de l'approvisionnement du bateau en se servant de la checklist qu'il a préparée. L'eau douce, la nourriture, la pharmacie et les gilets de sauvetage font partie des incontournables. À eux de vérifier que tout y est. Faustine gardera de ces deux semaines un souvenir indélébile. À l'exception de la traversée vers la Corse qu'ils effectueront de nuit, ils jetteront l'ancre chaque soir devant un paysage enchanteur. Las, au troisième jour, dans la calanque de Loul, un nuage de moustiques leur est tombé dessus avec la nuit, alors qu'ils étaient si fiers d'avoir trouvé un emplacement désert. Ils ont compris pourquoi. Piégés, obligés de rester sur place, à l'étuve dans leur sac de couchage, sur le pont ou empoisonnés aux insecticides en cabine, ils ont vécu une nuit infernale. Au petit matin, bouffis, à moitié groggy, ils ont hissé les voiles fissa pour trouver au large une mer démontée, un vent de force neuf. Jacques a exigé que chacun son tour prenne la barre pour voir ce que c'est. Faustine a tenu environ 30 secondes et demie. « J'ai peur !» a-t-elle hurlé si fort que tout le monde l'a entendu malgré le vent. Les garçons s'y sont collés courageusement. Ils ont dû s'attacher pour baisser le froc et rabattre les voiles, mais ils ont réussi à garder le cap et à ne pas chavirer. Allumer une cigarette dans ces conditions, c'est du sport. Pendant ce temps, Faustine, en cuisine, leur a préparé des galettes de pommes de terre avec du jambon et des œufs au plat. Un autre jour, ils ont visité la ravissante petite île de Porquerolles, tellement différente et plus calme que le Saint-Tropez ringard des Matuvus. La seconde partie des vacances, rien que la traversée Nice-Bastia, était un poème en soi. Le soleil couchant, les dauphins joueurs précédant et suivant le bateau, le faisaillement des voiles dans la nuit, les sons qui portent loin, mais aussi et surtout le silence. Hélas, le vent étant tombé prématurément, il a fallu terminer au moteur ce qui a quelque peu rompu le charme. Hormis cet aléa, Jacques tenait beaucoup à ce que toutes les entrées et sorties des ports se fassent à la voile. Cette vie de marin de plaisance plaît beaucoup à Faustine. Elle s'émerveille de tout, des eaux turquoises autour de l'île de Beauté, des petits villages suspendus dans les airs, des ports miniatures et des marchés aux fruits, légumes et poissons où ils s'approvisionnent. Partis à la recherche d'un peu de pain pour compléter l'ordinaire, Maxime et elle sont passés devant un vieux cimetière abandonné, isolé à l'écart du village, protégé d'une haute grille en fer forgé, habillée de lierre. Les tombes moussues étaient d'un vert si tendre, si doux, véritable appel à l'amour, qu'ils s'y sont abandonnés, faisant jaillir la semence de vie au milieu des promesses éternelles. À mon cher mari, à ma fidèle épouse, sous le regard bienveillant des ancêtres, Faustine est la plus heureuse des femmes. Elle aime, elle est aimée, et bientôt, une nouvelle vie va commencer.